France Musique. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here. Venez. This is the prophecy. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Il n'y a pas de star system en Australie. Ici, chacun est égal. C'est peut-être ce qui fait que les acteurs australiens sont un peu plus cool et moins snob que ceux d'Hollywood. J'ai fait beaucoup de comédies musicales comme Russell Crowe. Beaucoup d'entre nous ont joué dans des films médiocres, mais ça fait partie du métier d'acteur. On prend ce qu'on vous donne. Pas la peine de toujours faire de grands films et d'être toujours hot. Ce qui parle ainsi, c'est l'acteur australien le plus sexy du monde, Hugh Jackman. Cette semaine à l'affiche de l'excellent film Eddie the Eagle, Hugh Jackman qui n'est pas seulement le ténébreux, brun, musculeux de Wolverine ou de X-Men. C'est grâce à la comédie musicale d'ailleurs qu'il est devenu une star, Hugh Jackman. Alors, Hugh Jackman qui chante et qui danse est ce matin sur la grande affiche de la 42e rue, le brunch de France Musique au goût de comédie musicale. Avec aussi en ce 8 mai, second jour de l'opération Tous à l'Opéra et journée de l'orgue sur France Musique, un morceau qui me paraissait, en guise de levée de rideau, approprié. Bonjour à tous. We'll be right back. No? Does he have the heebie-jeebies? Or the jitters? Or the dooms? No, but you're warm. Well, what does he have? Yeah, what do I have? The glooms. The glooms? Yeah, and they're very common today. There's the empty pocket glooms, the empty cupboard glooms, the strike line glooms, the domestic glooms, the foreign glooms, the men, women, and little children glooms. Stop! I know how to make them disappear. Oh! It's my own idea, a great panacea. Sweep your glooms away with a song. A song? Yeah, like this. Look down on us, Saint Peter, from your golden throne in the sky. Listen to us, Saint Peter. We'll never, never, never. Oh, you gotta have faith, kids. No, we'll never, never, never believe, believe. No, we'll never, never, never say die. Go look for the gold mine that comes with the sunshine, with diamonds strung up on each ray. Discover a treasure each day of the year. Good times are here to stay. Escape from those doldrums by beating those bold drums. We're here in this fracas to stay. Plunge into the battle, I'll hand you a spear. Good times are here to stay. No need to be fearful, our leaders are cheerful about the great future we've got. Now listen to this. Each meal will be classy for each lad and lassie, with a chicken in every pot. Why fuss about money when outside is sunny and kiddies are singing at play? Just toss them some coins as you shout, Santa's here, good times are here to stay. Just wait till that rain goes to follow the rainbows. Get out of that wet, muddy clay. You'll find out that living's a thing of good cheer. Good times are here to stay. With doubts of tomorrow, grim worry and sorrow that haunts you when you hit the hay. Imagine a pixie who says in your ear, every day in every way you're getting better and better. Right, good times are here. Smile the American way. When you hear a thunder, don't cry and go under. It's Jupiter having his day. Just holler up to him and yell in his ear, good times are here to stay. Rita Burton, Good Times Are Here to Stay. Cet extrait d'une toute petite comédie musicale de 1966, Dames at Sea, l'histoire d'une troupe de théâtre qui doit déménager sur un navire militaire lorsque leur salle est promise à la destruction, avec une musique, vous l'avez entendu, entraînante dans le style des années 30. Sony Masterworks vient de rééditer l'enregistrement de la troupe à Londres en 1969. Et le spectacle a retenté sa chance cette saison. C'était la première fois qu'il tentait sa chance dans un grand théâtre à Broadway. Ça a tourné court. Eh bien, ça me permet de vous dire qu'à partir du 22 mai, la 42e rue posera ses valises à Broadway. Durant un mois, on va vous raconter toutes les comédies musicales de la saison. Ça sera donc dans 15 jours et pendant un mois sur France Musique. Et puis pour débuter, l'ouverture à l'orgue. Eh bien, c'était l'ouverture à l'orgue du Fantôme de l'Opéra d'Andrew Lloyd Webber. Puisque bien cette journée est consacrée à l'orgue sur France Musique et que nous sommes également à la seconde journée de l'opération Tous à l'Opéra. Place maintenant à celui qui est sur la grande affiche de la 42e rue ce matin. Il s'appelle Hugh Jackman. Il est comédien, mais il est aussi chanteur et danseur. When I take you out tonight with me, honey, here's the way it's gonna be. You will sit behind a team of snow-white horses in the slickest gig you ever see. Lions. Chicks and ducks and geese better scurry when I take you out in the Surrey. When I take you out in the Surrey with a fringe on top. Watch that fringe and see how it flutters when I drive them high-stepping strutters. Nosy pokes all peek through their shutters and their eyes will pop. The wheels are yellow, the upholstery's brown, the dashboard's genuine leather. With eyes and glass curtains you can roll right down in case there's a change in the weather. Two broad side lights winking and blinking, ain't no finer rig I'm a-thinking. You can keep your rig if you're thinking that I'd get a swap for that shiny little sorry with a fringe on the top. Would you say the fringe was made of silk? Oh, wouldn't have no other kind but silk. Has it really got a team of snow? One's like snow, the other's more like milk. All the world'll fly in a flurry when I take you out in the Surrey. When I take you out in the Surrey with a fringe on top. When we hit that road, help a leather, cha! And dogs will dance in the heather. Birds and frogs will sing all together. And the toads will pop. The wind will whistle as we rattle along. The cows will moo in the clover. The river will ripple at a whispered song. And whisper it over and over. Don't you wish you'd go on forever? Don't you wish you'd go on forever? Don't you wish you'd go on forever and it never stop in that shiny little Surrey with a fringe on the top? It sure feel like a queen sitting up in that carriage. Only she talked so mean to me a while back, Aunt Eller. I'm a good mind not to take you. Ain't said I was going. I ain't asked you. Where'd you get such a rig at? I bet he went and hired a rig over to Claremore thinking I'd go with him. That's all you know about it. Spent all his money hiring a rig and now he ain't got nobody to ride in it. Oh, I have to. And I did not hire it. No, look, I made the whole thing up out of my head. What? Made it up? Dashboard and all. Oh, get off of the place, you! Anna, don't make him get himself out of here, telling me lies. Hey! Now look out now. Making up a few purdies ain't again no lord I know of. Don't you wish there was such a rig, though? Hmm? Then you could go to that play party and do a little hold down till morning if you was in mind to. And then when you was all wore out, I'd lift you up onto that Surrey. Jump up alongside of you and we just point the horses home. I can just picture the whole thing. I can see the stars getting blurry when we ride back home in the Surrey. Riding slowly home in the Surrey with a fringe on top. I can feel the day getting older, feel a sleepy head near my shoulder, nodding, drooping, close to my shoulder till it falls. Sun is swimming on the rim of a hill. The moon is taking a header. And just as I'm thinking, all the earth is still. all I can wake up in the matter. Hush, hush, you bird. My baby's asleepin'. Maybe got a dream worth a keepin'. Oh, you team. And just keep a creepin' at a slow clip. Clop. Don't you hurry with a sorry with a fringe on the top. Joséphina Gabriel, Maureen Lipman et Hugh Jackman, The Surrey with a Fringe on the Top. Hugh Jackman pour la première fois sur scène à Londres. C'était en 1998, dans la reprise de cette comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein par le vénérable National Theatre, avec à la direction d'orchestre John Owen Edwards. 6 ans plus tard, Hugh Jackman embrassera Broadway. C'est avec The Boy from Oz, en français L'homme qui venait d'Australie, qui se joue à guichet fermé. La première comédie musicale australienne jamais montrée à Broadway d'ailleurs. Hugh Jackman reprend un rôle qu'il avait créé en Australie. Il incarne un parolier et auteur de chansons exceptionnel et excentrique, né en Australie, Peter Allen. Et autant dire à l'époque que les fans de X-Men tombent littéralement de leur chaise en découvrant Hugh Jackman en tenue dorée. Il paraît même que lorsque le personnage joué par Hugh Jackman s'apprête dans le spectacle à embrasser un autre homme, une femme, un soir, lui criera du haut du balcon en pleine représentation « Non, X-Men, ne fais pas ça !» Coming home, it used to feel so good. I'm a stranger now in my neighborhood. I've seen the world at a faster pace. And I'm coming now from a different place. Though I may look the same way to you, underneath there is somebody new. I am not the boy next door. I don't belong like it did before. Nothing ever seems like it used to be. You can have your dreams, but you can't have me. Oh, I can't come back here anymore, 'cause I am not the boy next door. Been saving those souvenirs, faded photographs from my foolish years. I made plans, but they're wearing thin, and they won't work out, 'cause I don't fit in. And those memories will just weigh down, 'cause I got no place to keep them uptown. I am not the boy next door. I don't belong like I did before. Can't have me. Oh, I can't go back there anymore, 'cause I am not the boy next door. I'm not sorry for just being me, but if you look past the past, you can see. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. La carrière de Hugh Jackman démarre chez lui en Australie, à Perth. Il est né en 1968, il a suivi des cours d'art dramatique et comme tout bon anglo-saxon apprend à l'école à jouer, mais aussi à chanter. Et à la sortie de cette école, il décroche 2 rôles. Le premier, c'est dans une série télé. Et le second, c'est au théâtre, et pas n'importe quel rôle. Il sera certainement le seul acteur au monde à avoir indiqué dans son contrat « Hugh Jackman doit prendre des cours de chant chaque semaine ». Mais il a été pris quand même. C'est dans la version australienne de la comédie musicale « La Belle et la Bête », l'adaptation pour la scène du dessin animé de Walt Disney. Le premier rôle sur scène de Hugh Jackman, c'est celui d'un idiot musculeux et amoureux de Belle, prénommé Gaston. On a retrouvé l'enregistrement de 1996. Girl is tangled with the wrong man. Done right. No one says no to Gaston. Dismissed? Rejected? Publicly humiliated? Oh, it's more than I can bear. More beer? What for? Nothing helps. I'm disgraced. You? Never. Gaston, you've got to pull yourself together. Gosh, it disturbs me to see you, Gaston, looking so down in the dumps. Every guy here'd like to be you, Gaston, even when taking your lumps. There's no man in town as admired as you. You're everyone's favorite guy. Everyone's awed and inspired by you, and it's not very hard to see why. No one's slick as Gaston. No one's quick as Gaston. No one's necks as incredibly thick as Gaston. There's no man in town half as manly. Perfect! A pure paragon. You can ask any Tom, Dick, or Stanley, and they'll tell you whose team they'd prefer to be on. No one's been like Gaston. I can't pin like Gaston. No one's got a swell cleft in his chin like Gaston. As a specimen, yes, I'm intimidating. All right, I got that Gaston. Give five. All right. Give 12. Gaston is the best and the rest is all drips. Oh, wow. No. Wrestling match, nobody fights like Gaston. Well, there's no one as belly and brawny. As you see, I've got biceps to spare. Not a bit of him scraggly or scrawny. That's right, and every last inch of me's covered with hair. No one hits like Gaston, matches wits like Gaston. In a spinning match, nobody spats like Gaston. I'm especially good at expectorating. 10 points for Gaston. When I was a lad, I ate 4 dozen eggs every morning to help me get large. But now that I've grown, I eat 5 dozen eggs, so I'm roughly the size of a barge. Hey! antlers in all of my decorations. Et ce premier rôle de Gaston dans La Belle et la Bête est un tremplin dans la carrière de Hugh Jackman. Il joue 8 fois par semaine, le spectacle est un immense succès et le metteur en scène explique pourquoi il l'a choisi, Hugh Jackman. C'est un acteur très doué, dit-il, qui a par ailleurs une voix magnifique et une présence magnétique sur scène. Il ne sera pas le seul à dire cela. Trevor Nunn aussi, le réputé metteur en scène de la Royal Shakespeare Company, le metteur en scène aussi des Misérables, de Cats, qui en 1996, lorsqu'il doit monter en Australie une version australienne de Sunset Boulevard d'Andrew Lloyd Webber, eh bien choisi pour le rôle masculin principal de Joe Gillis, Hugh Jackman. Alors vous savez, Sunset Boulevard, Boulevard du Crépuscule, s'est inspiré du film de Billy Wilder. Hugh Jackman va incarner Joe Gillis, le scénariste, assassiné par la star de cinéma muet Norma Desmond. À l'époque, à vrai dire, Hugh Jackman, qui est au début de sa carrière, hésite franchement à persister dans le registre de la comédie musicale. Il explique dans une interview, vous savez, la comédie musicale est un genre traité comme le cousin pauvre dans le monde de l'art. Ça ne devrait pas être le cas, mais ça l'est. Trevor Nunn va quand même trouver les mots pour convaincre Hugh Jackman. Alors, il n'y a pas d'enregistrement de Sunset Boulevard, la version australienne, juste quelques enregistrements pirates qui valent, je trouve, la peine d'être écoutés. On est en 1996. I came out here to make my name. Wanted my pool, my dose of fame. Wanted my parking space at Warner's. But after a year, a one-room hell. A Murphy bed, a rancid smell. Wallpaper peeling at the corners. Sunset Boulevard, twisting boulevard. Secretive and rich, a little scary. Sunset Boulevard, tempting boulevard, waiting there to swallow the unwary. Dreams are not enough to win a war. Out here they're always keeping score. Beneath the tan, the battle rages. Smile, a rented smile, fill someone's glass. Kiss someone's wife, kiss someone's ass. We do whatever pays the wages. Sunset Boulevard, headline boulevard. Getting here is only the beginning. Sunset Boulevard, jackpot boulevard. Once you've won, you have to go on winning. Think I've sold out, dead right I've sold out. I've just been waiting for the right offer. Comfortable quarters, regular rations, 24-hour, 5-star room service. And if I'm honest, I like the lady. I can't help being touched by her body. I'm treading water, taking the money, watching her sunset. Well, I'm a writer. LA's changed a lot over the years since those brave gold rush pioneers came in their creaky covered wagons. Far as they could go, end of the line. Their dreams were yours, their dreams were mine. But in those dreams were hidden dragons. Sunset Boulevard, frenzied boulevard. Swarms with every kind of pulse emotion. Sunset Boulevard, brutal boulevard. Just like you will wind up in the ocean. She was sinking fast, I threw a rope. Now I have suits and she has hope. It seemed an elegant solution. One day this must end, it isn't real. Still I'll enjoy a hearty meal before tomorrow's execution. Sunset Boulevard, ruthless boulevard. Destination for the stony hearted. Sunset Boulevard, lethal boulevard. Everyone's forgotten how they started. Here on Sunset Boulevard. Yeah. 9 des meilleurs moments de ma carrière, je les ai eus sur scène, explique Hugh Jackman. L'acteur a beau avoir tourné dans des super productions comme X-Men, la scène reste essentielle. Son rôle dans Sunset Boulevard va lui ouvrir les portes de l'Angleterre. À Londres, le même metteur en scène de Sunset Boulevard prépare une reprise de Oklahoma, la comédie musicale mythique de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, et lui propose le rôle masculin principal. Alors ça n'empêche, Hugh Jackman devra passer une audition devant les autres membres de la Royal Shakespeare Company. Il prépare un monologue de Shakespeare et une chanson. Hugh Jackman explique que le travail sur Oklahoma avec Trevor Nunn sera particulièrement intéressant. C'est une comédie musicale, mais on va travailler comme si c'était une pièce de théâtre. Durant les 5 premières semaines de répétition, le metteur en scène demande de ne pas chanter une seule note. C'est le moment de la recherche sur les personnages. Trevor Nunn suspend des lettres, des livres, distribue des VHS du film à regarder. Le but, c'est que chaque comédien comprenne pourquoi Oklahoma a été une révolution dans la comédie musicale. Et il faut pour cela sortir des chansons auxquelles tout le monde pense et revenir au texte. Alors, par exemple, au début des répétitions, Hugh Jackman doit dire les paroles des chansons comme des dialogues non chantés. Ça sera particulièrement difficile pour une chanson comme « Oh, what a beautiful morning » à cause des multiples répétitions. Chanter, ça donne ça. There's a bright golden haze on the meadow. There's a bright golden haze on the meadow. The corn is as high as an elephant's eye, and it looks like it's climbing clear up to the sky. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. Everything's going my way. All the cattle are standing like statues. All the cattle are standing like statues. They don't turn their heads as they see me ride by. But a little brown maverick is winking her eye. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. Everything's going my way. Aunt Taylor. No! What you doing around here? Well, I come a-singing to you. All the sounds of the earth are like music. All the sounds of the earth are like music. The breeze is so busy, it don't miss a tree. And an old weeping willow is laughing at me. Beautiful day. Oh, What a Beautiful Day, Hugh Jackman dans la comédie musicale Oklahoma à Londres. Un acteur viril et mélodieux, la critique britannique sera emballée par cette performance. Il faut dire que Hugh Jackman montre qu'il sait aussi danser et porter à un moment du spectacle par-dessus sa tête une danseuse professionnelle. Alors, parallèlement, Hugh Jackman va entamer sa carrière au cinéma. Ce sont ses premiers grands films. En Australie, au cours d'un break, il va notamment tourner Paperback Hero. Mais la scène reste vital à l'acteur qui ne souhaite pas s'en éloigner plus de 5 ans. En 2002, il apparaît pour la première fois à New York. C'est à Carnegie Hall, une version concert de Carousel, des mêmes Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, aux côtés de Audra McDonald. Il regrette aussi d'avoir refusé dans les années 2000 le rôle de Billy Flynn, l'avocat véreux, dans l'adaptation au cinéma de Chicago. Il se trouvait trop jeune pour ce rôle qui sera finalement incarné par Richard Gere. Et puis, en 2004, Hugh Jackman devient « the toast of Broadway ». Tête d'affiche à Broadway. Et surprise, il troque ses combinaisons moulantes pour une chemise hawaïenne. C'est un rôle flamboyant où il va sauter sur un piano. The Boy from Oz. When trumpets were mellow and every gal some more parties, we'll order now what they ordered then, cause everything old is new again. Get out your white suits, your tap shoes and tails, let's go backward when forward fails, and movie stars that you thought were long dead, now a frame beside your bed. Oh, don't throw your past away, you might need it some rainy day. Dreams can't come true again when everything old is new again. Get out your white suit, your tap shoes and tail. Let's go backward when forward fails. But leave bread and garbo along and be a movie star on your own. The Boy from Oz raconte l'histoire vraie d'un auteur australien méconnu de tube, Peter Allen. Un homme excentrique, Hugh Jackman explique au journaliste américain, Peter Allen est surtout connu aux États-Unis parce qu'il s'est marié avec Liza Minnelli, mais il faisait partie au départ du numéro d'ouverture du show de Judy Garland. Il l'avait rencontré comme ça, saoul, dans un club à Hong Kong quelques années auparavant. Peter Allen est devenu ensuite un auteur prolifique, il a gagné un Oscar, écrit un nombre incroyable de tubes, et est mort du sida en 1992, une histoire vraiment surprenante. Dans ce rôle, Hugh Jackman est à contre-emploi. Il incarne un homme qui se découvre gay, embrasse sur scène un autre comédien, vient titiller le public. C'est un pari pour Hugh Jackman qui met en parenthèse durant un an sa carrière au cinéma, alors qu'il est dans une période cruciale pour tout acteur de la trentaine. Durant la saison 2004, Hugh Jackman va devenir la sensation de Broadway. Chaque soir, il interprète pas moins de 21 chansons. Un tour de force. Or romancing, but I give it to the man. Whoa, whoa, when my baby, when my baby smiles at me, I feel a Tarzan of the jungle. There on the hunt there, and in a bungalow, a monkey slay a baba, he'll make a lava. Now I'm not the type to love my friend, so trigger my imagination easily. You know that's just not me, but I turn into a tiger every time I get beside the one I love. Oh. Come on! Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Et Hugh Jackman devient la coqueluche des deux côtés de l'Atlantique. À Hollywood, il présente la cérémonie des Oscars, il chante, il danse, il fait des claquettes aux côtés de Beyoncé. Et à New York, le maître de cérémonie des Tony Awards. Et se permet notamment un solo facétieux avec l'acteur Neil Patrick Harris sur celui des deux qui est le meilleur maître de cérémonie dans un medley dopé aux hormones. Mesdames et messieurs, Hugh Jackman. Let's hear it for Neil Patrick Harrison, ladies and gentlemen. It's Harris. Absolutely. You know? Yeah, and listen, for a guy in sitcoms, really great. Great. Really good. Well, that's really nice coming from a guy who does movies. Well, you know, I'm a theater guy too. And by the way, your intro, I've actually hosted the show three times. Just a little thing. Well, I've hosted the show before too, Hugh, and I won an Emmy for it. Right, so did I. Yeah. I've hosted the Emmys. Television, right, yeah. And you've hosted the Oscars. Oh, sorry, no, that was... Anyway. Wow, you're jealous that they asked me to host and not you. I'm not jealous. You are. No, I'm not. I only play the big rooms. Oh, wow, wow. Beacon joke. Interesting. A little one. What you're saying... You're saying you'd think you'd do a better job hosting than I would. Well, can I be honest? Please. Okay, what I'm saying is, any show you can host, I can host better. I can host any show better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Your show is How I Met Your Mother. I'll do the show, do the other. Stick to your sitcom, stick to your situation comedy. Oh, no, you Jackman, no. You should know better. You are a host, or so you say. You should know better. Make 'em laugh, make 'em laugh. Viva Laughlin did not make 'em laugh. Any dance you can dance, I can dance better. I can dance any dance better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. A host, I've simply got to bar mitzvah or a roast, it's me and Natcha. Don't bring around a cloud to rain on my parade. But do you know how to ad-lib during breaks? My writers do. How to deliver the ratings. Dish. How to avoid running long. Toy. How to acquire better gift bags. What? You know how to get better gift bags? Yeah. Nice. Yeah. Stick with me, kiddo. Hugh Jackman, you're awesome. You're the top man. You're the war horse pony. You're the top. Hugh, you won a Tony. Yeah. You're a phantom's run. Pacino's gun. A pre-unwrapped cough drop. Buddy, buddy, on the bottom, you're the top. Oh! And if we're real good, we'll make them feel good. We want their spirits to climb. So let us entertain you, and we'll have a real good time. Yes, sir, we'll have a real good time. Le roi des divertisseurs, King of Entertainers, Hugh Jackman, au Tony Awards. Alors cinéma, comédie musicale, eh bien en 2012, Hugh Jackman allie les deux. C'est dans l'adaptation au cinéma de la comédie musicale Les Misérables. Il incarne Javert sous la caméra rapprochée du metteur en scène Tom Hooper. Et comme tous les comédiens sur le plateau, il chante live avec dans les oreilles la musique instrumentale. Tendez l'oreille, on entend presque le souffle du comédien. On high, hear my prayer. In my need, you have always been there. Afraid, let him rest, heaven blessed, bring him home, bring him home, bring him home. Like the sun I might have known. If God had granted me a son, the summers die one by one. How soon they fly on and on. And I am old and will be gone. Bring him peace, bring him joy. He is young, he is only a boy. You can tell. Home. Hugh Jackman, Jean Valjean dans le film Les Misérables. Les projets musicaux de Hugh Jackman ne manquent pas s'il a finalement renoncé à une comédie musicale autour de Houdini, écrite par Stephen Schwartz, annoncée et sans cesse reportée depuis 6 ans. Il sera normalement Barnum dans un film musical qui racontera la vie du producteur de cirque intitulé The Greatest Entertainer of the World, composé par les jeunes auteurs Benj Pasek et Justin Paul. La sortie est prévue à Noël 2017, d'ici là, vous le retrouvez, Hugh Jackman. Bon, il ne chante pas dans ce film, mais il est excellent acteur dans Eddie the Eagle. Dans l'actualité des comédies musicales, il est franchement rare qu'un Français mette en scène un spectacle à Broadway. Eh bien, c'est ce qui arrive à Philippe de Coufflet, chorégraphe, danseur, metteur en scène, pionnier dans l'usage de la vidéo sur scène, qui avait revivifié les filles du Crazy Horse, imaginé les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d'Albertville et conçu des ballets modernes en 86 comme Codex. Il avait déjà mis le pied aux États-Unis en créant pour le Cirque du Soleil des spectacles à Las Vegas et Hollywood. Il est actuellement en pleine répétition de sa première comédie musicale à Broadway, Par Amour, un hommage au cinéma hollywoodien et aussi aux revues des Folies Bergères, avec un rideau de scène qui copie les sculptures du vénérable théâtre parisien. Alors Par Amour, c'est la première tentative du Cirque du Soleil de s'installer à Broadway, une comédie musicale qui mélange danse, histoire, chanson, numéro de cirque. Je rentre tout juste de New York et j'ai pu rencontrer Philippe de Coufflet en pleine répétition. So guys, Joe, for Ruby, actually everybody. C'était mercredi après-midi au Lyric Theater sur la 42e rue à New York. Yeah, and everyone get in place for just before the gainer. Shana, which job are you picking up from? Alors là, on est en train de travailler sur la fin du spectacle, la mort d'Indigo, de l'héroïne, et sur un moment où, en fait, les deux héros sont doublés par deux acrobates pendant toute cette scène de trampoline. Et à la fin, on veut que les deux héros reprennent leur rôle. Ça fait partie des petits trucs magiques. On a effectivement deux doublures qui sont des rois du trampoline, qui sont à un moment donné, comme par un effet magique qu'on est en train de mettre au point, ils reprennent leur rôle et ça redevient les personnages principaux. Donc il s'agit de mettre ça au point. Et on est sur une des scènes les plus spectaculaires du spectacle. On est sur les toits de New York et il y a des trampolines sur les toits et on a, je ne sais pas combien ils sont, mais ils sont une quinzaine de trampolinistes d'extrêmement haut niveau qui rebondissent dans tous les sens. Et donc c'est particulièrement pointu, dangereux et délicat. Parce qu'on prend des risques, mais on veut que ça reste contrôlé. On ne veut pas non plus prendre de risques insensés. Il s'agit d'aller de rester du bon côté de la limite. Mais moi, je l'ai vu hier. Ouais. Vous changez des choses par rapport à hier soir? Oui, on est encore en preview. C'est l'avantage de ce mois de preview, c'est que tous les jours, on améliore le spectacle, on change des choses. Donc là, il y a des paroles de chansons qui changent, il y a des textes qui changent. Ce soir, on rajoute une danse à la fin et on fait un changement de mise en scène important sur la fin du spectacle. All right, guys, we good? Joe, we want to go back? C'est la technique d'un trampoliniste. Quand on lui dit « retourne à ta place », il fait « boing, boing, boing, boing » en traversant le plateau comme un kangourou. Please allow me, friends, to introduce myself. I'm your girl next door from Indiana, with my dreams still on a shelf. Haven't seen too much of anything, and so far I'm living on a shoestring. Those who know me best call me the poetess. With romantic tales of happy endings, secretly I'm just a mess. 'Cause my words won't hold me in the night, won't kiss me in the morning light. There's a fire in me burning. Every day I wake and find I'm yearning for something more. Someone who none before, and see inside this lonely poet a love that wants to hold me close and never lose me. For a love that has the world to choose, but wants spinning. My mind was a blur, millions of ideas, millions of roles this girl would play for me. She had that kind of sweetness that dreams are made of, and a face that made you want to run out and rob banks. The piano man ain't bad either, huh? They say he wrote the song just for her. Shh. If I had that love, then I'd be brave enough to build this dream I have inside and shine this diamond in the rough. There is so much more inside of me, and I just want the world to see. If I had the chance, then I could take the floor and get what I have always craved, the love of one, then millions more. Can anyone have too much love, surrounded from below above? If the Lord could only weigh in, turn an ear to one girl's humble praying for something more, I'd give pieces of my heart away to shake the core of anybody else who's lonely, and I wouldn't have to worry about the bottom dollar, and I'd get to live my life with love in Technicolor. I just hope that I am destined for something more. I just hope that I am destined for something more. Something More, Robbie Lewis, comme si vous étiez à Broadway, à Par Amour, la comédie musicale de Philippe de Coufflet, qui ouvre le 25 mai, on vous en reparlera. Et puis notez qu'à partir du 22 mai, la 42e rue, comme l'an dernier, vous propose un mois à Broadway, 5 émissions pour découvrir toutes les comédies musicales de cette saison, des rencontres avec leurs auteurs, compositeurs, metteurs en scène, à commencer par Hamilton, le phénomène. Ça sera à partir du 22 mai, ici même. Quant à la semaine prochaine, on vous convie au prochain cabaret 42e rue, une carte blanche à un comédien chanteur danseur que vous pouvez admirer chaque soir aux Folies Bergères à Paris dans Love Circus. C'est Vincent Eden, dimanche prochain en direct sur France Musique et sur réservation sur maisondelaradio.fr. Le podcast, les références des disques et l'actualité, une seule adresse, la page de 42e rue sur francemusique.fr. Et puis pour les commentaires, les bonus, eh bien les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook et sur Twitter. Martine Moni, José Bernès, Sophie Salio-Marie, Emmanuel Dupuis, Fabien Flora, Laurent Vallière, on vous souhaite un très bon dimanche sur France Musique. Rideau.